Voici votre bulletin régional. Le 23 novembre, de 14 à 16 heures, au centre communautaire du manège militaire à Bury, on organise un thé combiné à une vente pour la résidence Saint-Paul. Les chevaliers de colons de la patrie organisent un brunch de Noël le 23 novembre, de 9 à 13 heures, au centre communautaire de la patrie. La fabrique de la paroisse de Saint-Isidore organise son brunch annuel le 23 novembre, de 10 à 13 heures, au sous-sol de l'église de Saint-Isidore de Clifton. Pour information, contactez José Perron. Le 25 novembre, dès 8h30, déjeuner brunch des fêtes de l'Entournaine à la salle des chevaliers de colons du Stingus. Le prochain atelier de cuisine sera réservé à la fabrication de la cire Sainte-Catherine le mardi 25 novembre à 13 heures au sous-sol de l'hôtel de ville de Newport. Pour tous les détails, facebook.com/. Loisirs 4 horizons. Le souper de Noël des filles d'Isabelle, cercle Saint-Louis 662 de Stingus, se tiendra au sous-sol de l'église Saint-Louis de France le 1er décembre à 18 heures. Ça s'adresse aux membres et l'on doit réserver avant le 25 novembre.